maison proche d'un âme avalée. Clôturé de bois, de briques et de pierres tout empilé. Masqué de frissons, cet endroit gamme semblait s'agiter. Sur les murs, une terreur vivante non enterrée. Sur les marches de l'entrée, une fillette vêtue d'une salopette et dévêtue d'une intimité devenue abstraite. Sarah, âgée de 6 ans, victime d'une conquête. Casse-tête a élucidé quand la confiance devient la seule requête. Avec un père ivre, complètement insouciant. Consommation consécutive consacrée à la drogue et l'alcool. Des gestes pour lui qui consistent à considérer une consistance de l'homme contemporain où toute sa sincérité s'isole. C'est à l'ombre de minuit que ses pas y ressentit. Sarah innocente, impuissante, reste accouchée dans son lit. C'est une époque où on disait les amours morts, car son père vint et ouvrit la son porte. Son innocence est souillée et son enfance achevée par la violence, la lâcheté. Et désormais son âme est à jamais lacérée. Son univers est lésé, sa confiance en elle est branlée à cause de ce père égaré qui s'est donné à maculer sa destinée. L'ambiance était lourde, sous des couilles, des gifles sourdes. Alcoolique fille, meurtrie par les bulles et la poudre. Il est rentré dans la chambre, les murs comme ses membres tremblent. Cœur, âme et esprit sombre, faisant comme il ressemble. Il a fait mille amours pour son amour et ainsi mis la main sur elle. Y'a minuit et quart, mille fins, une enfance si belle. Une quiétude noyée par le désir qu'on pointe des lances. Broyer sa faible résistance qu'on pointe de lance. Sarah accablée, si je n'ai acculé au silence séculaire. Cœur disséqué, les envies de son père désarticulaires. Désarroi et chagrin splique car ses lignes brûlèrent. La décimation de ses vœux et choix calcine l'air. Depuis lorsque la nuit tombe, elle s'assoit là à attendre. Et comme chaque soir, des lames émergentes, ses plaies l'inondent. Et cette nuit encore, à cette époque où les amours étaient mortes, elle a entendu des pas venir de l'autre côté de la porte. Son innocence est souillée, est saoulée. Et son enfance achevée par la violence, la lâcheté. Et désormais, son âme est à jamais lacérée. Son univers est lésé, sa confiance en elle est branlée à cause de ce père égaré qui s'est tenu à maculer sa destinée. Enfance volée, partie en éclats. C'est qui arrive. Semence violée, devenue proie. Triste et vie, destinée. Détournée. Tu sais notre trajectoire est déroutée. Triste passé, ces journées sont mortes en vérité. Enfance volée, partie en éclats. C'est qui arrive. Semence violée, devenue proie. Triste et vie, destinée. Détournée. Tu sais notre trajectoire est déroutée. Triste passé, ces journées sont mortes en vérité.